Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 30. Au menu, un deuxième défi photo, bien évaluer ses besoins, le Fuji série X, les futurs objectifs, Nikon veut mettre des mots de passe sur ses objectifs et on a la critique de l'Olympus XZ2. Au micro, Christian Jarry. Bonjour. François Blanchet. Bonjour. Moi-même, Stéphane Vaillancourt. Oh, c'était séduisant, ce bonjour. Je peux le refaire encore? Non. Ça va aller. Et on a Pascal Dupré qui est de retour pour une deuxième semaine consécutive. Bonjour. Ma foi, les invités prennent goût à venir participer à l'émission. Alors, on va enchaîner tout de suite, mais Pascal est de retour parce que on a notre deuxième défi photo porte sur le voyage. Donc, vous nous envoyez des photos de voyage qui représentent en fait le voyage. Et on va. Vous n'avez pas le choix de faire un voyage maintenant pour participer à notre défi photo. Sinon, c'est nul. On vous fait dépenser en plus. Non, mais sérieusement, ça peut être une photo qui a déjà été prise. Les défis photos, le but évidemment, c'est de vous faire pratiquer l'art de la photographie, c'est de vous faire sortir de chez vous, sortir des sentiers battus. Mais si vous avez déjà une photo de voyage que vous affectionnez particulièrement et que vous avez envie de partager avec nous, bien vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, bien, comme vous avez peut-être pu le constater, nous avons créé un groupe, en fait un compte Flickr pour afficher les photos qui nous sont envoyées. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont posé la question « Allez-vous annoncer le gagnant en onde pendant l'émission? » Eh bien non! Nous vous invitons à visiter notre blog pour aller voir le nom et la photographie du gagnant. Donc, il y aura un lien aussi pour voir les autres photos des participants. D'ailleurs, j'en ai peut-être déjà glissé un mot, mais sur Google+, et même, sur Google+, principalement, on a un groupe photographe amateur que vous pouvez joindre, auquel vous pouvez contribuer. Vous pouvez nous envoyer des photos si vous voulez avoir des commentaires constructifs, parce qu'évidemment, tout est fait de façon constructive. Par contre, si vous venez faire de la publicité pour une entreprise ou un truc du genre, la photo, évidemment, va être retirée. Mais si vous voulez partager des photos que vous aimez dans le groupe Google+, qui s'appelle tout simplement Photographe Amateur, vous allez voir, vous vérifiez qui est l'administrateur et vous allez voir si c'est Objectif numérique. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, je vais enchaîner avec une discussion que j'ai eue sur Twitter avec un auditeur qui nous a écrit, en fait, parce qu'il voulait s'acheter un appareil réflexe à 400$ environ, question de budget, parce qu'il voulait l'utiliser en vacances. Donc, il y avait un budget limité parce qu'il ne voulait pas investir trop d'argent pour un appareil qui allait lui servir probablement uniquement pour ses vacances. C'est très correct aussi parce qu'il faut savoir justement combien on veut investir dans l'achat d'un appareil et d'équipement et tout ça. Par contre, à 400$ pour un appareil réflexe, un DSLR, on n'obtient pas grand-chose. Pas dans le neuf, en tout cas. Non, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, avec un appareil réflexe, c'est qu'on va avoir peut-être envie d'acheter des nouveaux objectifs. Et là, ben, il faut prévoir encore plus d'argent. Donc, il faut planifier un deuxième budget, si on veut. Alors, après discussion, l'aspect réflexe DSLR était... J'ai découvert que cet aspect-là était plus ou moins important pour lui. Ce qu'il voulait, c'est un appareil qui allait prendre des bonnes photos. Donc, là, ce que je lui ai suggéré, lui, il voulait un bon zoom, puis une bonne qualité d'image et tout ça. Alors, je lui ai suggéré, pour son budget à 400$, il y avait le Canon SX50, qui a un très grand zoom, un zoom 50x, en fait. Par contre, il faut faire juste attention, on en a déjà parlé, plus le zoom est puissant, plus la moindre vibration lorsque vous êtes zoomé au maximum va faire du flou, de bouger ou de tremblement. Donc, il faut faire attention avec ça. Par contre, si vous avez le moyen, si vous avez un trépied ou si vous êtes capable de stabiliser l'appareil, ça peut être très, très pratique là, d'avoir un grand zoom comme ça. Sinon, il y a Matt le Geek qui a suggéré de son côté le Sony HX20V à 250$. Donc, vraiment pas cher, mais qui semble un très bon appareil pour le prix. Et puis, c'est ça. Ben, le point que je voulais amener, c'est tout simplement, c'est bien d'avoir un budget, justement, Évaluez vos besoins, évaluez qu'est-ce que vous voulez faire avec l'appareil. Et il ne faut pas nécessairement sauter soit sur un compact ou sur un DSLR parce que c'est un compact ou parce que c'est un DSLR. Parce que sinon, vous allez... Vous n'aurez pas automatiquement des meilleures photos parce que ben, vous avez un DSLR. On en a déjà parlé. Là. Ben, ça aide et ça simplifie la vie, mais ça ne veut pas dire que ça va donner des meilleures photos. Non, c'est ça. Puis comme on a discuté au dernier épisode, il y a deux épisodes avec Maxime Tremblay, de prendre un compact qui a des contrôles manuels, ça peut être intéressant pour découvrir la photographie, mais un appareil compact, c'est peut-être pas le meilleur type d'appareil pour faire des réglages manuels. Puis au contraire, s'acheter un réflexe puis le mettre toujours en mode automatique et jamais explorer les possibilités, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, ou si on le prend pour des vacances seulement puis après on le range dans le placard, ben c'est de l'argent gaspillé. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se poser des questions puis à la limite aller en boutique, aller pas dans une grande surface, aller vraiment dans une boutique photo, expliquer à la personne quel est premièrement votre bagage si vous voulez. Quel est votre budget, puis qu'est-ce que vous prévoyez faire avec ça. Puis là, à ce moment-là, vous allez voir de toute façon si le commis essaie de vous vendre un truc incroyable qui dépasse votre budget, ben vous sortez, vous allez dans une autre boutique. Mais généralement, les gens vont essayer de voir, selon votre budget, vos besoins et vos connaissances, qu'est-ce qui pourrait convenir à vos besoins. Si vous êtes un autodidacte qui est très bon pour faire ses propres recherches, moi, je vais retourner la suggestion de Stéphane, qui est à dire faites vos recherches sur Internet et allez dans une grande surface pour les essayer. Ils aussi, ont souvent pour les essayer, plus de choix dans ce cas-là, juste pour les essayer. Fiez-vous pas aux vendeurs, parce que, bon, j'en ai entendu des vertes et des pommures de certains vendeurs, mais j'en ai déjà eu des excellents, par contre. Quand j'ai acheté ma 7D, le vendeur, bon, je savais déjà ce que je voulais, là, mais le vendeur connaissait ses produits énormément. Puis c'était pourtant un futur shop, là. C'est une très grande bannière ici, alors ça dépend, là. On peut tomber sur du bon monde, mais il y en a d'autres, des fois. Parlant de recherche, justement, on avait déjà parlé des sites snapsort.com et lenshero.com. Donc, ce sont deux sites, moi, que je trouve vraiment géniaux parce que Snapsort, on peut comparer des appareils entre eux. Ça nous sort les points forts de chaque appareil, les points faibles, un score, donc qui nous donne un gagnant, si on veut, entre guillemets. Et selon un budget aussi qu'on peut établir, dans quel type d'appareil photo. Donc, vraiment, c'est génial comme site. Donc, snapsort.com, c'est vraiment un bon endroit pour aller comparer selon notre budget. Et ensuite, justement, si on hésite entre deux ou trois modèles, on peut aller dans une grande surface les essayer. Et puis, sinon, on peut aussi aller en boutique pour encourager les boutiques, justement, spécialisées en photo. Parfait. Maintenant, Christian va nous parler de la série X de Fuji. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est... Je pense que j'en ai déjà parlé dans le passé. Je dis ça comme ça, mais... Non, c'est ça, la série X de Fuji... dont le X-Pro1, le XE1, qui sont dans le fond les... comment je peux dire? C'est les appareils à objectifs... Interchangeables. Excusez-moi, moi j'avais le mot anglais dans la tête. Oui, à objectifs interchangeables. C'est l'équivalent du X100 ou X10, mais avec un objectif interchangeable. Mm-hmm. Donc, ce qui était... Un des défauts, je pourrais dire, de cette série-là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'objectifs. Par contre, Fuji en lance beaucoup dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a déjà un 55-200 mm qui s'en vient. Okay. Ça, ce qui est quand même un range assez intéressant. On a un 27 mm à 2.8. On a un 23 mm à 1.4. Il y a un 10-25 à f4. Oh. Ça, c'est assez large. Oui. Une 56 mm à 1.2, qui donne l'équivalent d'une 84 mm à 1.2. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un effort de vouloir faire beaucoup des objectifs « mythiques », entre guillemets, sont reproduits sur Fuji. Fait que je trouve ça très bien. Et pire, quand on dit « objectif mythique », Carl Zeiss vont lancer leur propre objectif pour les Fuji aussi. Ah oui, OK. Wow. Il y a vraiment une poussée là, définitivement. De ce côté-là. Les trois Carl Zeiss qu'on parle, il y a un 12 mm à 2.8, un 32 mm à 1.8, puis un 50 mm à 2.8. Puis ces objectifs-là, c'est vraiment reconnu pour être une qualité visuelle irréprochable. Oui, ben on en a parlé il y a quelques épisodes. Exactement. Ouais. Seule chose, c'est que c'est des objectifs qui sont toujours manuels, ceux-là. Ouais. Il n'y a pas d'autofocus dessus. Mais je trouve que si Fuji se lance là-dedans, c'est que ça doit relativement assez bien marcher leur affaire. Je sais que les ventes pour la X100 avaient été très bonnes. C'est pour ça qu'on en a vu un autre. Fait que j'imagine que les autres vont assez bien aussi s'ils se permettent d'en faire comme ça. Fait que, regarde, je suis content pour eux autres. D'ailleurs, on va avoir quelques appareils Fuji à tester bientôt. Donc, probablement la X100S, la X20 et d'autres modèles aussi. Ça m'attriste. donc tu te portes volontaire pour les tester. Je vais me faire la... Disons que vous allez me tordre un bras pour celle-là. Ah oui, j'en suis sûr. Bon, ben excellent. Donc, c'est des bonnes nouvelles du côté de Fuji. Et maintenant, on va passer du côté de Nikon. Nikon qui veut imposer ou implanter des mots de passe sur ses objectifs. En fait, Nikon vient de déposer un brevet. Pour qu'on ait entré un mot de passe entre le boîtier et l'objectif. Donc, c'est dans le boîtier, évidemment, il faut entrer un mot de passe pour que l'objectif fonctionne. Okay. Alors, c'est toute une nouvelle, je trouve. C'est une avancée technologique. On peut être d'accord ou pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, ça va empêcher peut-être un peu le recel d'appareils volés. Ouais. Ça va... Mais bon, il y a toujours... On le sait, là, maintenant, il y a toujours une façon de contourner des protections de ci et de ça. C'est quand même, de toute façon, selon moi, une bonne nouvelle. Ça prouve qu'on peut avoir l'impression d'avoir une certaine sécurité avec ces appareils. Je suis sceptique. Mais regarde, par exemple... L'informaticien, en moi, est très, très, très sceptique. Oui, c'est ça que je dis. Ça va être contourné là, un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. N'empêche que c'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité de le faire. C'est ceux qui sont vraiment au courant de comment le faire. Mon côté sceptique est le suivant, c'est que qu'est-ce qui va arriver si le mot de passe fonctionne pas? Ça veut dire que l'objectif fonctionne pas du tout? Non, il fonctionne pas du tout. Si on n'a pas le bon mot de passe, il n'y a rien qui se passe. En fait, il se met à ISO 104200 avec une ouverture de F22. C'est ça. Donc, le moi, noir ce que je vois total. Rapidement... C'est que là, tu as le potentiel que ça ne fonctionne pas avec ton appareil, qu'il faut mettre à jour ton appareil, qu'il faut aussi... Ça, c'est... Effectivement, ça, c'est le côté... l'informatique aidant, puis la programmation... Ben, si tu veux mettre ton mot de passe sécuritaire, il faut que tu l'encryptes. L'encryptant, ça peut causer d'autres problèmes aussi. Oui, ça sera à voir. Je suis loin d'être convaincu. Du côté que tu sais, purement technique... T'sais, pour empêcher le vol, c'est super. Tout le reste, là, ou que ça m'inspire pas vraiment, moi. Puis ça aussi, l'autre problème, regarde, c'est simple, là. Stéphane, prête-moi ton objectif. Ah, ouais, il faut que je rentre le mot de passe, mais il a oublié de me le donner. Je peux pas l'utiliser. Ah, mais ça... Mais encore là, ça va dépendre. Est-ce que le boîtier va être compatible avec les objectifs qui nécessitent un mot de passe. Ça aussi, c'est ça. Écoute, moi, je présume qu'à ce moment-là, ça se parle pas, tout simplement, puis ça va fonctionner. Parce qu'il n'y aura pas de lien entre les deux, donc il n'y aura pas de mot de passe de demander, puis ça va fonctionner. C'est comme ça que je vois ça. Ouais. Mais bon, là, je présume. Mais effectivement, c'est un bon point, parce que ça pourrait être aussi une façon pour Nikon de se protéger pour pas qu'on connecte d'autres objectifs à son boîtier, ça pourrait être effectivement une façon de dire, OK, ce boîtier-là, il est fait pour aller avec ces objectifs-là, puis c'est tout, that's it. On veut pas qu'il y ait d'autres objectifs. Il pourrait servir de ça. Tony Tokina, oui, etc. Mais bon, on s'entend que ça serait tiré dans le pied de faire ça. Oui, parce qu'il y a des gens, justement, qui vont aimer avoir un Canon ou un Nikon ou même un Sony parce qu'il y a des objectifs compatibles qui sont moins chers, justement. Ouais. Donc, de là, ils ne peuvent pas commencer à bloquer ce marché-là, nécessairement. On peut spéculer. Pour l'instant, c'est un brevet. Bon, c'est rien d'autre. C'est pas implanté encore. Si vous voyez... Vous avez juste à voir tous les brevets que Microsoft ou Apple font, puis il n'y en a pas... C'est loin d'être tous ceux-là qui vont être mis en production, en fait. Mais, en tout cas, sécurité, ça pourrait être quand même intéressant, j'avoue... Et là, maintenant, François, tu vas nous parler de l'appareil que tu as testé récemment, l'Olympus XZ2. Oui, c'est un petit appareil compact qui est sorti au mois de novembre 2012. Donc, il est sur le marché depuis novembre 2012. C'est un appareil qui est de la lignée des appareils avec le petit look rétro, là, qui est très à la mode en ce moment, un petit boîtier noir. Il possède un objectif de 28 à 112 mm à une ouverture de f1.8 à 2.5. Ça, c'est très bon, par contre. C'est très bon. C'est l'équivalent d'un zoom 4X, là, pour ceux qui aiment travailler avec les X Factor. Le capteur est de 12 mégapixels. La plage ISO est de 100 à 12800. Le mode rafale, 5 images secondes. Et l'écran, qui devient de plus en plus un standard de 920 000 points. Ouais. Ouais, on commence à le voir un peu partout. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, les fabricants, de le mettre maintenant. C'est... Sinon, ça devient vraiment un critère de non-sélection, des fois, d'appareils. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un écran avec une bonne précision. Une bonne clarté, une bonne précision, etc. Ouais. Ouais. Le boîtier est fait de métal. C'est en majorité. Donc, quand on le tient en main, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de robuste entre les mains. Moi, j'adore ça. C'est parfait. Surtout que quand on va dans le look rétro... C'était ça avant. C'était fait en métal. C'était tout en métal. Exact. Ouais. T'as raison. Il faut assumer son choix pour moi. Fait qu'à moi, si on y va avec un design rétro, let's go, on y va aussi avec la construction. Quand même, un appareil pas trop gros comparé à d'autres modèles compacts dans la même catégorie. Il y a un petit truc que j'avais pas vu sur d'autres modèles. Peut-être que ça existe ailleurs, mais sur le devant du boîtier, avec la main droite, si on veut. Il y a une petite poignée qui nous permet de bien la gripper. On peut l'enlever, cette poignée-là. Il y a une petite vis. Ouais, ouais. On enlève ça, puis on se retrouve avec un boîtier vraiment carré. Okay. Pour des raisons, j'imagine, ergonomiques, il y a des gens, peut-être que l'emprise va mal se faire avec la poignée fournie. Ben, on l'enlève carrément. Ou peut-être pour l'insérer dans une pochette ou tout ça. J'ai pas regardé exactement pourquoi ça s'enlève, mais j'imagine que c'est une question ergonomique. Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant. Ça nous donne l'option de le faire. C'est peut-être parce que c'est une espèce de cuillerette qui peut, avec le temps, s'endommager. Puis tout ça te permettrait de le changer. C'est effectivement un caoutchouc fait pour bien agripper à la peau. C'est peut-être juste pour ça. Peut-être, oui. Effectivement, on pourrait donner un petit coup de jeunesse après, disons, 5 ans. Disons qu'on n'a pas voulu évoluer avec la technologie. Ouais, ouais, parce que bon, un appareil qui dure 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une bague autour de l'objectif qui permet d'assigner plusieurs fonctions, comme de plus en plus on voit sur d'autres appareils aussi, ouverture, vitesse, tout ça, on peut l'assigner. L'écran est un écran tactile. On peut le mettre en trois modes, c'est-à-dire on peut enlever l'écran tactile. Même si on touche à l'écran, il n'y a jamais rien qui va se passer. Okay. Moi, j'aime ça. J'aime ça, oui. Mais bon, de plus en plus, par intuition, on touche à l'écran. Hein. Mm-hmm. C'est bon, avec les téléphones intelligents, ça devient une seconde nature. Mais moi, j'ai hâte qu'ils réussissent à faire des écrans où les traces de doigts ne paraissent pas. Parce que c'est bien beau un écran tactile, mais à un moment donné, après quelques utilisations, là, l'écran est vraiment sale. Ben, j'imagine que ça prendrait un écran gras. Ouais, parce que c'est le gras de nos doigts qu'on laisse là. Comment tu veux que le gras se dépose pas sur une surface? Ben, il semblerait que Corning développe une technologie à cet effet-là. Et moi, j'ai très hâte de voir ça. Ben oui, on a tout hâte de voir ça. On est rendu aux écrans anti-graphing. Ils sont vraiment rendus. Ouais, ils résistent aux égratignures. Ouais. On a une meilleure vision sous un gros sous le soleil, là, une grosse luminosité. Les angles de vision sont meilleurs. Ouais. Donc, j'imagine que c'est la prochaine étape. J'espère. Anti-grotte doigt. Très bien. Donc, les modes pour l'écran, c'est à off, on peut mettre seulement le focus quand on touche l'image ou focus et photo. Moi, j'aime bien l'aspect seulement focus parce que justement, des fois, tu peux tout simplement toucher l'écran par inadvertance, puis là, la photo est prise. Ouais, c'est ça. On peut changer de mode si jamais, comme toi, tu fais des gaffes comme ça de temps en temps. Ouais, tout le temps. Constamment. Même les écrans tactiles, je réussis à prendre une photo. Les écrans non tactiles. C'est ça. Il y a un petit bouton rotatif à la DSLR à l'arrière. Tu sais, le fameux bouton select, puis là autour, il y a quatre boutons en rond. Là. Ouais. C'est bon. Ça, c'est tous les appareils ou presque ont ça dans le compact. Mais eux, ils ont ajouté une petite molette qui tourne. Comme la 7D, là. Exactement petite... comme J'adore ça. Oui. Ça, là. Puis ça fonctionne très bien. C'est tout petit, mais la grippe, quand on met son pouce dessus, ça mord tout de suite. C'est super. Puis elle n'est pas trop molle. Ouais, c'est bon. Non, ça fonctionne très bien. J'ai bien aimé ça. Puis ce bouton-là, aussi, on peut assigner plusieurs fonctions aussi sur cette molette-là. C'est pas juste assigné à l'ouverture ou à la vitesse, ça peut être assigné à autre chose. Juste pour donner une idée de la grosseur, c'est trop gros pour une poche de jeans, disons, mais c'est parfait pour une poche de veston. Okay. Fait que c'est vraiment un compact moyen là, t'sais, dans le format. Ça vient aussi avec une corde pour le cou. Je sais pas s'il y a plusieurs appareils qui viennent avec ça, mais c'est vraiment l'espèce de petite cuirette là, au plastique. Là. Encore une fois, un peu rétro. Là, dans le temps, les gens se mettaient ça autour du cou, mais on peut le faire. Okay. On peut se l'aligner autour du cou. Puis donc, c'est pas fashion. Vraiment une courroie, mais c'est plus comme une. C'est une courroie de plastique. Là. Ah, ok. C'est dragon, ouais. C'est ça, exactement, une dragon. Puis c'est très fashion. Ah, oh, wow. Donc, je parlais d'ouverture tantôt. À 28 mm, ça rouvre à f1.8, qui est super. C'est excellent. Et ce qui est encore meilleur, c'est à 112 mm, donc au bout de l'objectif, quand on zoome complètement, à f2.5. Oh! Ça, impressionnant. C'est très bon. C'est même pas un cran entre les deux, fait que c'est très bon. Puis je compare à, par exemple, la Canon PowerShot S110. Elle, quand on va au bout de son objectif, qui est quand même de 120 mm, je pense, pas tellement plus gros, elle va se fermer à 5.9. Oui. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compense avec l'ISO. Elle va monter l'ISO. L'avantage avec celle-là, c'est qu'elle n'ira pas compenser avec l'ISO. Elle va rester une lentille rapide, ce qui permet de faire de la superbe photo à basse lumière, à main levée. Ah oui, j'imagine. Donc, c'est un super avantage. Je pensais à toi, Christian, là-dessus, justement. Moi, m'en doute. Hein? Ben oui, parce que quand tu vas à tes spectacles, tu dois avoir au moins une vingtaine de spectacles par année. Peut-être pas autant, mais en tout cas. Entre 10 et 15. Tu vas voir plusieurs spectacles par année. Tu aimes ça faire de la photo. Ouais. Ça serait super. Là, ouais, pour ça serait. C'est quelque chose dans ce genre-là que j'aurais. Parce que surtout, tu as un bon zoom. 112 mm, c'est bien. Ouais. Puis là, tu as une super ouverture, même c'est zoomé. C'est ça. Puis tu passes vraiment inaperçu là, avec ben ça. Ouais. C'est tout petit. C'est surtout ça l'affaire. Combien ça vaut, ce petit appareil-là? Ça vaut 499 $. Oh, c'est ce que je trouve très bien. C'est pas si mal. Ouais. Je pense qu'on profite de la marque. C'est-à-dire qu'Olympus, c'est pas un chef de file. Mais il commence à reprendre du poids de la bête, par exemple. Il y a une amélioration avec le OMD, là, ils ont repris beaucoup de poids de la bête. Oui, ben c'est ce que je disais dans un épisode précédent. Il y a des photographes professionnels. Ben c'est Scott Bourne, je pense. Exact. Il a troqué ses gros réflexes pour un OMD EM5. Puis il prend des photos d'oiseaux, là, puis ils sont écœurantes. Ces photos sont superbes. Des vraiment photos d'aigle en Alaska. Ah ouais. Incroyable, écoute. Il n'y a rien d'impossible. Ouais, ouais. Un bon photographe, c'est un bon photographe. Ouais, ouais. Mais avec un objectif de 400 mm, le facteur de rognage qui te donne 600 et plus, ça aide aussi. Ouais, c'est sûr. c'est un appareil photo qui est vraiment complètement manuel. Tout ce qu'on peut ajuster manuellement sur un appareil DSLR va se retrouver là-dessus. Il y a l'histogramme, il y a le mode RAW aussi pour les photos. La vidéo. Il y a le mode vidéo, écoute, je ne l'ai pas testé parce que c'est vraiment pas un de ses points forts, mais il fait à peu près ce que tout comme fait. Normal, le 1080p, oui, 24, 25, 30. C'est ça. Il fait tout. Je ne l'ai pas testé pour ça parce que c'est... Je l'avais en main, j'avais pas envie de faire un film avec ça ou de... Non, mais les fonctions de base sont là. Y a-tu un bouton dédié pour la vidéo? Même pas remarqué, ça se peut? J'ai pas remarqué parce que je me suis pas attardé à cette fonction-là. Mais je pense que j'ai pas eu de misère à me mettre en mode vidéo. Là. Okay. En fait, je pense que... Oui, c'est-tu quoi? Il y a un bouton, j'ai appuyé dessus, puis tout de suite, il tombe en mode vidéo et part l'enregistrement. Ah, ça, c'est magnifique. Donc, c'est non seulement un bouton dédié, c'est un bouton rapide. Ah, ça, c'est génial. Ça, j'aime ça. J'ai vu ça, j'ai enregistré 3-4 secondes, j'ai fait comme « Ah, parfait, il enregistre du vidéo, on va passer à autre chose. » Il est juste... il y a une espèce de petit pan incliné là, entre le dessus du boîtier et l'arrière, puis il se trouve là dans le petit pan incliné, donc il est très accessible du pouce ou de l'index à la limite, mais plus du pouce. Donc oui, il est bien situé. Il y a plusieurs modes sur cette caméra-là. Bon, je parlerai pas de tout, mais il y a un mode qui m'a particulièrement qui a attiré mon attention, ça s'appelle le mode... e-portrait ou le e-portrait. Je sais pas si c'est en français s'ils appellent ça comme ça, mais bon. Ça corrige les imperfections mineures de visage. Okay. Donc, je prends en photo Stéphane. Il y a un paquet d'algorithmes qui vont se mettre en fonction puis qui vont retravailler son visage. Ils vont le rendre beau? Si, ils vont le rendre beau. Imaginez. Écoute, mais ça me prend ça, moi. Bon, ben écoute, on se fait une session, mon Steph, puis on va arranger ça. Là, tu testais un peu pour voir? Non, je ne l'ai pas testé. Mais non, j'étais pas disponible. Oh. j'ai lu un peu dessus, ça a l'air à bien fonctionner comme système. Mais moi, juste cette fonction-là, je la trouve intéressante. Écoute, même si ça ne fonctionne pas bien, c'est déjà quelque chose qui est le fun, avoir sur un appareil. Ça doit prendre une mesure de teinte de la peau, puis ça, en si fait, jamais il y a des... C'est que disons que tu as une partie du visage qui est un peu plus rouge, ou évidemment si tu as des petits boutons, des trucs... Ou si tu t'es pas rasé le matin. C'est ça. Écoute, c'est sûr qu'il doit y avoir des situations qui... Oups, ça fait un peu bizarre. Il y a des limitations, là. Mais je suis sûr qu'ils vont pas non plus dans l'extrême. Ils font quelques corrections mineures. Hein, ce que j'aurais eu peur, moi, c'est que ça l'enlève un petit peu De netteté, de détails. C'est possible, ça, probablement pas. Ça doit faire un peu comme on fait dans Photoshop à l'occasion. Ouais. Là, justement, un petit point rouge, un petit truc qu'on efface. Ben, c'est dans la lignée d'insérer dans les appareils photo les fameux... Moi, ce que j'appelle effet Instagram. Parce que cette caméra-là, il y a 16 effets de filtration qui sont super cool. Parce qu'il y a l'effet comique, là, l'espèce de l'effet bande dessinée, entre autres, le HDR, que là, ça devient vraiment une affaire de base. Donc, c'est le fun parce que tu peux appliquer cet effet-là tout de suite sur la photo. Tu l'as, c'est fait. Puis évidemment, ça garde l'original. C'est automatique. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est excellent. Une autre affaire vraiment le fun, il y a un filtre ND3 d'intégrer dedans. Oui, c'est bien parce que quand on est à l'extérieur, un gros soleil, puis qu'on voudrait ouvrir un peu pour perdre un peu de profondeur de champ, ben on a trois stops qu'on peut sauver comme ça. Wow, ça, c'est excellent. D'habitude, on retrouve ça avec un filtre qu'on met devant l'objectif. Lui, il l'a d'intégré, c'est super. Et ça, d'ailleurs, moi, j'en ai un filtre, je pense que c'est un ND4. Je le traîne jamais avec moi parce que j'ai peur de le briser. C'est pas le genre d'affaire que tu penses l'utiliser ou sinon. C'est ça. Fait que là, ça fait que ça reste toujours dans mon autre sac, mon sac d'accessoires et de trucs que je laisse à la maison. Puis, mais là, s'il y en avait d'intégrer, ben je pourrais l'activer puis bingo. Ouais. Aussi, une autre fonction super le fun que j'ai vu, que j'ai déjà vu dans les caméras vidéo, c'est le mode, quand on est en mode focus manuel, aussitôt qu'on tourne la bague pour faire son focus, pouf, il fait un zoom numérique à 50% pour aider à faire la mise au point d'une façon plus précise. J'ai vu beaucoup des nouvelles caméras qui commencent à avoir de récupérer cette fonction-là. Tu n'es pas obligé de le mettre automatique, ça. Tu peux l'enlever. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun parce que juste ce petit zoom numérique-là, ça t'aide vraiment. Des fois, là, c'est pas évident de faire le foyer. Mais puis il y a certains appareils qui, ben, comme mon Nexus, il offre un zoom 2X, comme j'ai parlé un épisode précédent, mais il faut que j'appuie sur un bouton pour l'activer. Oui. Donc là, le fait que ça le fasse automatiquement... Aussitôt que tu touches à la molette en avant. La première fois, c'est déroutant, par exemple. On dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai trop zoomé? Et là, après ça, on comprend que non, c'est vraiment pratique là, pour voir si on est vraiment si la mise au point est faite comme il faut. Oui, ça a vraiment son utilité. Il n'y a pas de chargeur externe, encore une fois. C'est quelque chose qu'on aimerait voir avec ces appareils-là. Tu achètes une deuxième batterie, puis tu charges ta batterie sur un chargeur externe pendant que tu te vas... dans ton voyage, tu vas faire des photos. Oui, parce que le but, c'est de faire de la photo. C'est pas de charger l'appareil pendant 3 heures. Puis... Autre fonction, le fun, pour l'amateur de photographie de soir, de nuit, ou l'astronome, en vous, messieurs, on a un mode d'exposition jusqu'à 60 secondes. Mm-hmm. Et même le fameux bulb mode. Le mode, ça serait quoi en français, ce bulb? En tout cas, sur les DSLR, c'est un mode qu'on appuie sur le déclencheur, puis tant qu'on ne relâche pas le déclencheur, il continue à prendre sa photo. Moi, dans certains cas, il faut que tu repaises sur le déclencheur. On réappuie une deuxième fois. Dans son cas, lui, c'est un mode que j'imagine que tu dois repaiser une deuxième fois. Puis il va jusqu'à 16 minutes, lui, d'exposition. Quand même! À 16 minutes, à ISO 100, on va aller chercher des super belles photos. Donc, en conclusion, mes points positifs sur cet appareil-là, c'est son ouverture à 2.5, évidemment, à 112 mm. C'est vraiment un gros plus. Mm-hmm. Les filtres ND de 3 stops qui sont intégrés. Le filtre ND de 3 stops intégré. Le mode RAW et sa fabrication en métal qui donne vraiment envie de la bardasser un peu. Mais le filtre ND de 3 stops, justement, c'est jusqu'à 3 stops. On peut mettre 1, 2, 3. Non, c'est un filtre qui coupe 3 stops. OK, parfait. Okay. Ouais. Mais c'est une bonne précision. Tu peux jouer quand même pareil avec. Ce que j'ai moins aimé, pour certaines fonctions, le menu n'est pas évident. Quand je dis menu pas évident, c'est que ça prend une certaine courbe d'apprentissage. C'est la partie que j'aime moins des compacts, mais c'est ça un compact. Tu peux pas mettre tous les boutons physiques sur le boîtier. Ouais. Donc, ça, c'est moins. C'est un peu moins. C'était le dernier compact que tu testais. Là. Non, c'est pas des promesses. Je pense que je fais quand même une pop-up. Oui, absolument. Tout à fait. Le... Tu me donnes le goût de l'acheter, tu fais une bonne critique. Ah, c'est bon. Le capuchon de l'objectif, encore une fois, c'est à l'ancienne, ça peut être le fun, puis moins le fun. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une petite corde qu'il faut attacher sur le boîtier, puis le capuchon reste autour. Ah, ouais. On n'est pas obligé d'installer la petite corde, mais bon, c'est mieux pour ne pas le perdre. Puis à cause de ça, ben, il traîne autour du boîtier. Si tu l'attachais avec la petite corde. Eh oui, fait que il y en a qui aiment ça parce que justement, ils vont jamais le perdre. Ouais. C'est le type de gens qui perdent des trucs, ils vont adorer la petite corde. Mais bon, ça peut être un peu d'ingendre. Tu sais, c'est glagling, glagling, ça fait du bruit. Au moins, il y en a parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas de capuchon. Fait que... Bon, mais c'est ça. Lui, parce que lui, quand on ferme l'appareil et que l'objectif entre dans le boîtier, il n'y a pas de petite fermeture métallique devant. Ah, il n'y a pas de porte. C'est pour donc, ça. Que... Donc, la lentille, dans ce cas-là, c'est le bon terme, est exposée. Exactement. Oh, ouais, là, ça fait que ça prend le capuchon. Ouais. Là. Ouais. Surtout que la lentille sur l'objectif est assez grande, là, tu sais, physiquement. Là, fait que, il faut la protéger. Et dernier point négatif, le fameux lag de l'écran quand on est en mode photo. Tu sais, c'est saccadé. Il y a un délai. Il y a un délai. Puis c'est pas le fun. T'as l'impression d'avoir un ordinateur lent. Là, tu sais. Puis en fait, c'est exactement ce que c'est. C'est que le processeur n'est pas capable de traiter l'information assez rapidement. Okay, on a vu des appareils qu'il y a quasiment plus de délai. Ouais. Lui, ben, c'est son point faible. Surtout quand on se met en mode. Le mode Instagram là, que je disais tantôt, ça s'appelle le mode ART, les 16 filtres. Donc, il y a le mode bande dessinée, par exemple, c'est affreux comment c'est lent, là. Oui, parce que ça travaille. Ben oui, il faut se mettre le filtre à chaque fois. Ouais. Donc, je souhaite qu'on améliore la rapidité du processeur sur le prochain modèle. Excellent, wow. Puis tu le recommandes? Quel test? Oui, je le recommanderais parce que c'est... Pour son prix, premièrement, quand on compare ça avec d'autres appareils qui ont à peu près les mêmes fonctions, je pense à la critique de l'appareil que tu as fait la semaine passée. Du Coolpix A. Il y a presque les mêmes avantages. Ouais. Tu sais, bon, à quelques fonctions près, là, quand même. Il y a le capteur, là, mais... Oui, le capteur, mais c'est la moitié du prix. Tu as le capteur, puis lui, par contre, a un meilleur objectif. Oui. Ouais. Oui, parce qu'Olympus est très fort dans les objectifs. Ouais. Il faisait de l'imagerie médicale, je pense, des trucs comme ça. Et donc, ils sont dans l'optique. Là, ouais, si bon, tu veux. Ben, donc oui, je recommanderais clairement là, pour le prix. C'est abordable pour qu'est-ce qu'il fait. Là, c'est quand même abordable. Mm-hmm. Merci pour la critique. Et ça va conclure ce 30e épisode. Donc, merci messieurs. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Pascal de ta présence. Bien, merci à vous de m'avoir invité, de refaire l'essai en vous écoutant, en vous observant. C'est toujours agréable de vivre c'est ça avec vous. Parfait. Donc, si jamais j'ai à m'absenter, tu seras aux commandes de la console. Puis, peut-être pas à ce point-là. Et chers auditeurs, si vous voulez, merci de nous écouter premièrement. Et si vous voulez nous rejoindre pour des questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez tout simplement à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous trouver sur les internets à Au Numérique sur Twitter et Objectif Numérique tout simplement pour Facebook et Google+. Donc, on vous rappelle, si vous voulez participer au défi photo numéro 2, ça porte sur le voyage. Donc, ça peut être une photo qui a déjà été prise dans le passé. Donc, vous nous envoyez une photo qui vous parle, qui vous inspire et que vous voulez nous soumettre et que vous nous autorisez évidemment à publier sur notre page Flickr et sur notre blog. Donc, on va choisir la photo gagnante au bout de 4 semaines, je vous dirais. On va mettre 4. Il va se passer 4 épisodes entre chaque défi photo, tout simplement pour laisser la chance aux gens qui écoutent le podcast un peu plus tard de quand même participer ou vous laisser la chance de faire un voyage ou d'aller faire un peu de photos finalement. Ou fouiller dans vos photos complètement mêlées sur votre ordinateur. Scanner votre vieille photo prise avec un 35 mm. Oui, on peut reculer. Oui, oui, parce que l'important, c'est le résultat, c'est pas l'outil qui a été utilisé pour la faire. Là. Mais attention aux photos HDR trop retouchées. Là. Oh. On va en parler du HDR d'ailleurs. Faudrait. Oui, oui, bientôt, bientôt. Et voilà, ça conclut donc cet épisode. Merci et à la prochaine.